Ravière. Patrick, bienvenue. Précieux d'elle,

à mes conditions. J'ai choisi le dosage à mes conditions. Hélas, j'ai mal fait. dégueulasse.